debout sur terre, l'effroyable. Lorsque ton autre exit fait t'es comme un scrouillon, t'as pas l'idée, t'es comme un scrouillon, t'as pas l'idée, t'es comme un scrouillon, t'as pas l'idée, t'es comme un scrouillon, t'as pas l'idée. Non, c'est pas le bien de Godot. C'est le nucléaire, mais je pense. Oh,